fondamentalement, s'évertue à exprimer le concept de ce qu'il est au lieu de vouloir exprimer ce qu'il est. Et même si le concept de ce qu'il est la réplique exacte de ce qu'il est, les deux énergies exprimées sont complètement différentes. La fausse modestie qui empêche l'homme d'exprimer ce qu'il est et qui le porte à exprimer le concept de ce qu'il est l'embûche. Et cette fausse modestie qui habite chacun d'entre nous, fausse modestie qui peut être appelée modestie, humilité, peur, complexe d'infériorité ou homme. Cette fausse modestie qui brime l'évolution de l'être planétaire parce que celui-ci s'évertue à ne pas daigner croire qu'il est ce qu'il est, mais il préfère espérer être ce qu'il est. Donc, il va tendre à exprimer le concept, ce qu'il conçoit de son être-té. Nous pourrions intituler cette deuxième partie « Être possédé ou l'art de la transformation ». Vous êtes présentement complètement possédé. L'humanité globale est possédée. Et le jeu illusoire de l'identification de l'ego est réellement une farce. Et j'espère qu'après les explications que je vais donner, vous allez entrevoir un peu plus cette farce. Vous n'existez pas. Vous avez l'illusion de l'existence parce que vous vous rappelez avoir existé et parce que vous daignez facilement fusionner toutes les parcelles de l'existence antérieure qui ont un rapport avec votre corps ou votre mémoire et vous déclarez « j'ai vécu, donc je vis ». Et ce n'est pas parce que l'homme prend conscience qu'il a vécu qu'il vit. Il a vécu. Il ne vit pas. Il a vécu. Et ce n'est pas parce que nous refaisons un regard sur l'arrière que nous pouvons dire que l'instant où nous regardons en arrière est l'instant présent. Vous êtes tous possédés et l'art de la possession est l'art de l'évolution et l'art de l'involution, c'est l'art de la transformation. Essayez d'avoir l'esprit clair et l'esprit ouvert. Et si vous ne comprenez pas, aujourd'hui, vous comprendrez plus tard. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est prêt à laisser complètement la place, à disparaître, à mourir et à abandonner son corps, son énergie vitale et tout ce qui la relie à la vie, donc l'identification? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est prêt à abandonner totalement ce qu'il est pour laisser son corps au service d'une énergie supérieure? Lui va complètement disparaître et à la place, dans son corps, viendra habiter une énergie supérieure. Je ne parle pas de l'ego imbécile qui croit « Oh oui, moi, si Dieu vient m'habiter, je suis prêt à m'abandonner à Dieu. Parce que je sais que si je m'abandonne à Dieu, j'aurai des cadeaux, j'aurai un paradis, j'aurai... » Oui, bon. Mais je parle que vous allez complètement disparaître, mourir. Vous n'existerez plus. Il n'y a aucun cadeau. Le seul cadeau, vous ne souffrirez plus parce que vous n'aurez plus d'identification, parce que vous serez mort. Donc, vous serez totalement, complètement possédé par l'esprit supérieur, mais vous n'existerez plus. Qui parmi vous est prêt à laisser son corps, par exemple, aux Nazaréens, ou au comte de Saint-Germain, ou à d'autres entités que nous cataloguons comme étant nos supérieurs. Qui? Je sais qu'il y a personne de près. Et c'est justement le handicap de l'évolution. Vous n'êtes pas prêt. Vous ne voulez pas être supérieur. Vous voulez simplement espérer devenir supérieur. Et vous ne serez pas supérieur. Donc, ne voulant pas être supérieur, vous vous évertuez ainsi à exprimer le concept de la supériorité, l'illusion d'être, alors que vous n'êtes pas. Vous êtes possédé. Un jour, vous avez été des enfants psychologiques. Vous étiez aussi dans un corps d'enfant physique. Et vous ne pensiez pas en adulte. Et aujourd'hui, l'enfant est complètement désintégré, complètement désagrégé, parce que le corps est possédé par un esprit adulte. Et vous, vous imaginez sérieusement que l'enfant, c'est vous, et que l'enfant s'est transformé. Mais dans la transformation, il y a eu la possession. L'enfant, ce n'est pas vous. Et même si son passage est incrusté dans vos mémoires, vous n'avez jamais été cet enfant. Vous êtes ce que vous êtes présentement avec l'illusion d'avoir été tout ce que vous avez détruit pour prendre la place de ces choses, de ce que vous avez détruit. Il y a présentement en vous, vous. Et il n'y a plus rien de ce qui a déjà été dans ce corps. Parce que vous possédez le corps. Et vous avez donc expulsé ce qui le possédait avant vous. Présentement, vous êtes en train de subir le processus de la possession. Vous croyez que vous vous transformez, alors que dans la réalité, les énergies qui maintenant vous habitent et qui voient plus clair ont expulsé les énergies qui ne voient pas clair. Et le processus de l'évolution, comme le processus de l'involution, est un processus de possession. Qu'est-ce que c'est hausser son taux vibratoire? C'est remplacer un taux vibratoire bas par un taux vibratoire haut. C'est détruire l'un pour l'autre. Lorsque je mets de la vapeur d'eau dans un verre qui contient de l'eau, je dois expulser l'eau pour que la vapeur d'eau rentre. Et lorsque l'eau se transforme en vapeur, ne venez pas me dire que la vapeur, c'est l'eau qui était là avant, mais dans un autre schéma vibratoire. La vapeur et l'eau sont complètement différentes. Mais nous savons que par un processus temporel de rabaissement ou d'augmentation de l'énergie vibratoire, nous pouvons détruire l'un pour créer l'autre. Vous avez déjà été des personnes croyantes. Et un jour, le corps qui exprimait la personne croyante a été possédé par une énergie supérieure qui exprimait une personne non-croyante. Et un jour, ce corps a été possédé par une énergie plus ouverte qui a expulsé l'énergie du non-croyant qui ne pouvait comprendre. Et le problème aberrant de l'être humain, c'est qu'il se refuse continuellement à être possédé, alors qu'il est continuellement possédé, soit par des énergies psychologiques astrales, soit par des énergies supramentales, soit par des énergies autres. À chaque année, la personne qui se présente devant un miroir est habitée par un être qui la possède, qui a expulsé celui qui possédait le corps l'année d'avant. L'homme appelle cela l'évolution. Il n'y a pas d'évolution. l'énergie X est détruite, est expulsée pour laisser passer l'énergie Y. L'énergie Y est détruite, expulsée pour laisser passer l'énergie Z. Et ainsi de suite. Lorsque l'ego se plaît à s'identifier à tout ce qui l'a habité, à tout ce qui a habité le corps physique dans lequel il s'identifie depuis la naissance de ce corps physique, il est dans une illusion tellement aberrante qu'il ne peut pas voir qu'il n'existe pas. Alors donc, je me rappelle que lorsque j'étais jeune, je me rappelle qu'une entité psychologique que nous pouvons appeler jeune a vu, expérimenté dans sa psychologie tel genre d'événement et laissé des traces dans le carcan mémoriel de la psychologie. Mais je ne peux pas me rappeler que lorsque j'étais jeune, j'ai fait... Non. Et c'est pour cela que de votre enfance, vous ne connaissez pas grand-chose. Vous ne connaissez que les traces laissées dans le carcan d'insertion de la mémoire psychologique, dans le carcan d'insertion de l'ego qui, présentement, habite le corps. Et continuellement, au fur et à mesure que vous vous transformez, que vous dites que vous évoluez, parce que vous n'évoluez pas, vous n'êtes assujetti qu'à ce processus de possession. Vous êtes en contact avec l'énergie supramentale, vous êtes possédé par l'énergie supramentale. Et s'il n'y a pas de possession d'énergie supramentale, vous avez l'illusion d'être en contact avec l'énergie supramentale. L'ego psychologique doit faire place, aller aux énergies supérieures. Il ne peut pas les rencontrer. Il doit être expulsé, détruit, pour que, enfin, vienne habiter chez lui l'énergie supérieure. Et lorsque l'énergie supérieure vient habiter la personne, les extérieurs, les personnes extérieures à lui, auront l'impression qu'il évolue. Il n'évolue pas. La personne qu'ils ont connue n'existe plus. Elle est complètement détruite, balayée. Et il ne reste que la personne nouvelle, que l'entité qui présentement possède le corps. Et c'est parce que l'homme ne comprend pas ce jeu de la possession, ce jeu de la transformation qu'il appelle l'évolution, l'amélioration d'une entité pour qu'elle devienne une autre entité. Là est l'évolution, là est l'amélioration. Ce processus est un processus illusoire. On expulse pour en rentrer un autre. Et où il va, celui-là, on s'en fout. Je peux vous dire qu'il est détruit. Et si vous me dites, lorsque l'énergie de ma psychologie augmente en vibration, en réalité, elle n'augmente pas en vibration. Elle est expulsée pour qu'un autre schéma vibratoire plus haut prenne la place. Et cela est beaucoup plus réel que de penser qu'il s'améliore. Nous parlons de concepts psychologiques reliés à l'identification. Et parce qu'il y a l'identification dans le processus de l'évolution, il ne peut y avoir d'évolution rapide. Parce que l'être qui se dit évolué tient à être lui-même dans l'évolution, alors que cela est totalement impossible. Il devra mourir pour qu'un autre être plus évolué puisse naître chez lui. Il ne peut rester là, ne pas mourir et se transformer. Cela ne se fait pas. Donc, à votre insu, quotidiennement, à chaque heure, à chaque minute, à chaque fraction de seconde, à chaque fraction de temps, vous êtes possédé par une entité supérieure ou inférieure. Et l'homme appelle cela l'évolution, l'involution. Le fait que l'homme s'identifie à tous les êtres qui l'ont habité ou qui ont habité ce corps depuis la naissance physique de ce corps donne l'illusion à l'être qu'il a vécu, donne l'illusion à l'être du phénomène temporel dans sa psychologie. Alors qu'en réalité, l'être est ce qu'il est immédiatement pour mourir immédiatement. Et un autre être similaire, supérieur ou inférieur prend la place et n'a à peine le temps de voir qu'il est là, qu'il n'est plus là. Donc, l'être qui vient présentement chez vous se regarde ce qui a passé et vous pouvez dire « j'ai été ». Et parce que vous pouvez dire « j'ai été », vous en concluez que vous êtes. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je pense que je suis. Je pense, donc je ne suis pas. Ça, c'est la réalité. Le fait de voir une démarche progressive dans la psychologie évolutive de l'homme amène l'homme à essayer d'exprimer l'illusion de ce qu'il devra atteindre, donc amène l'homme à étendre ce passé dans l'avenir, cela amène l'homme à envisager, à entrevoir un chemin d'évolution, et cela amène l'homme à souffrir l'évolution. C'est-à-dire que contre l'homme, malgré l'homme, l'évolution se devra se faire. Contre l'idée d'évolution de l'homme, l'évolution devra se faire. Ce qui, évidemment, est extrêmement souffrant pour l'évolution de l'homme. Lorsque l'homme prendra conscience clairement, et non pas lorsque l'homme aura une compréhension intellectuelle, lorsque l'homme aura une conscience, lorsque l'homme verra clairement que le temps psychologique est une farce, que le temps psychologique n'existe pas, qu'il n'y a que l'illusion du passé, concentré dans le présent, dans l'actuel, l'homme arrêtera d'envisager une transformation à court ou à long terme dans l'avenir. L'homme pourra commencer à observer la désintégration du concept de ce qu'il est, et évidemment de ce qu'il devra être, vu qu'il n'y a plus d'avenir et plus de passé. Et l'homme pourra exprimer ce qu'il est, sans connotation orgueilleuse, sans connotation frustrante, sans égo et sans égal. Vous refuserez d'être possédé par une énergie supérieure. Et tant que vous refuserez d'être possédé par une énergie supérieure, vous ne pourrez devenir supérieur. Et la personne qui accepte immédiatement d'être possédée l'accepte d'une façon psychologique. Tant que vous refuserez d'être possédé par une énergie supérieure, vous ne serez pas supérieur. Et dans l'acceptation de la possession, il n'y a pas nécessairement de possession supérieure. Et le dilemme, le piège, le danger va se placer ici. J'accepte d'être possédé par une énergie supérieure. Et quelle est la vibration en moi qui va déterminer que l'énergie qui vient me posséder est supérieure? De toute façon, tant que vous refuserez d'être possédé par une énergie supérieure, vous ne serez pas supérieur. Cela ne veut pas dire d'être prêt à être possédé. Cela veut dire de ne plus refuser la possession. Cela va vouloir dire que l'énergie supérieure va tendre à traverser plus facilement vos corps, étant donné qu'il n'y a plus de barrière placée par l'ajusteur psychologique, entre autres, et déterminée par l'ajusteur de pensée. Et vous saurez, en temps et lieu, que vous êtes ce que vous êtes. Et être ce que nous sommes ne veut pas dire que nous sommes accomplis. Dans l'instant même où l'énergie vient vous posséder, vous êtes cela. Et plus il y aura d'énergie supérieure qui pourra vous posséder, plus vous serez autre chose. Donc, plus vous allez vous transformer. Alors, si vous avez continuellement l'objectif d'être accompli, si vous avez continuellement l'idée d'observer votre évolution, vous ne vous laissez pas posséder. Mais évidemment, à votre insu, vous l'êtes possédé. Mais à faible dose, lentement, selon ce qui est permis par votre ajusteur psychologique et votre ajusteur de pensée. La personne qui est en colère est la colère. Elle est possédée. Elle est la colère. Et à travers son corps s'exprime elle, la colère. La personne qui est en paix, elle est la paix. Et à travers son corps s'exprime ce qui l'habite, la paix. Et la personne qui a un autre état vibratoire est cet état. Elle ne pense pas qu'elle est. Alors, ce n'est pas de l'orgueil que d'exprimer ce que nous sommes. Mais lorsque la personne, au lieu d'être possédée, construit le concept de la possession, vous appelez cela le concept de l'évolution. Vous appelez cela le concept d'être quelque chose, d'être tel état ou d'être. Lorsque l'ego construit ce concept, il n'accepte pas que l'énergie réelle, similaire au concept, vienne la posséder. Parce qu'il ne la connaît pas. Il ne peut la connaître car il devra être expulsé lors de sa rentrée. Ne la connaissant pas, il découvre l'inconnu. Il en a peur parce qu'il ne peut l'expérimenter. Ne pouvant l'expérimenter, cela ne fait pas partie de lui. Donc, il voit là sa mort. De ce fait, l'homme préfère donc prendre le concept de ce qu'il devrait être parce que ça, il le connaît. Le connaissant, cela fait partie de ses mémoires. Et si cela s'exprime, il garde l'identité qu'il vit. Mais il n'exprime pas une réalité, il exprime l'interprétation d'une réalité. Il croit être, il n'est pas. Lorsque je dis que l'homme est un être rampant, c'est que l'homme s'évertue à exprimer le concept de la divinité. L'homme s'évertue à exprimer le concept de la supériorité. L'homme s'évertue à exprimer le concept supramental. L'homme s'évertue à exprimer le concept de l'homme conséquentiel du Verseau. L'homme s'évertue à exprimer le concept de sa supériorité. Et cela est l'expression de l'orgueil, cela est l'expression de l'ego, qui tient à conserver l'identité, donc la vie, malgré qu'il exprimera, selon lui, d'autres choses. Si l'ego tient à conserver la vie ou l'identité, c'est qu'il n'a pas confiance. Par contre, il est prêt à exprimer la confiance. Alors donc, il devra exprimer le concept de la confiance, parce qu'il ne peut pas exprimer la confiance, parce qu'il refuse de mourir, parce qu'il n'a pas confiance. Et ça, c'est de l'orgueil. Le fait que l'homme se tienne debout peut être l'expression de son ego. Le fait que l'homme se tienne debout peut être un état de choses. Peut être un état de réalité. Et je répète que ce n'est pas l'homme égoïque qui pourra discerner si la personne qui est debout se prend pour un autre ou est l'autre. Si un jour l'énergie du comte de Saint-Germain, parce que c'est à la mode de parler du comte, vient vous posséder, qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement se passer que vous allez pouvoir dire « Je suis le comte de Saint-Germain. » Et j'ai toujours été le comte de Saint-Germain. Mais je l'ai ignoré. Et l'ego qui ignorait est mort. Et l'ego qui présentement me possède, ou vous possède, c'est qui il est. Et vous ne vous prenez pas pour un autre. Vous êtes l'autre. Vous êtes ce que vous êtes. Mais si vous avez le concept de ces foutaises réincarnatives que vous avez déjà été un tel, mais que vous ne vous en rappelez plus, c'est simplement que présentement, vous n'êtes pas celui-là. Et vous n'avez jamais été celui-là. Il est possible que celui-là vienne posséder votre corps à un moment donné. Donc, vous allez dire, ou on va dire de vous, il est la réincarnation. Il n'est pas la réincarnation. Il est. Et ce n'est pas parce que le corps physique est mort et qu'un autre corps physique est venu au monde que l'entité énergétique qui vient l'habiter a été là tout le temps. Mais qu'il l'ignorait. Présentement, la race humaine du poisson est en train de mourir. Elle ne se transforme pas, elle n'évolue pas, elle est en train de mourir pour laisser sa place à l'homme du Verseau. L'homme qui ne comprend pas, ne s'améliore pas jusqu'à comprendre. Il meurt et il laisse sa place à l'homme qui comprend. Et on ne voit le processus de l'évolution que parce que nous avons un ego qui s'identifie à ce processus, qui s'identifie à toutes les traces mémorielles laissées par chacune des possessions qui viennent posséder l'homme au millième de seconde. Et c'est pour cela, et pour cela seulement, que l'homme croit à l'évolution et que l'homme envisage un avenir évolutif. Mais si vous êtes prêt à mourir instantanément, immédiatement, dans votre psychologie, pas dans le corps physique est le véhicule qui permet à des énergies d'être, de s'exprimer et d'expérimenter la matière planétaire. Si vous êtes prêt à mourir dans votre psychologie immédiatement, et que vous êtes dans un cadre où des énergies supérieures vous entourent, instantanément, vous ne mourrez pas, mais vous devenez ces énergies supérieures. Et je répète que le dilemme est de savoir quand est-ce que nous allons nous laisser posséder par notre concept et quand est-ce que nous allons nous laisser posséder par une énergie supérieure. Et quand est-ce que nous allons nous laisser posséder par l'énergie inférieure? Le problème ne se pose pas. Pas réellement. Le problème qui se pose, c'est que tant que l'homme ne sera pas prêt, tant que l'ego n'acceptera pas de mourir, rien de neuf ne pourra naître en lui, d'une façon accélérée. Et si je dis le mot accéléré, c'est simplement pour mieux vous faire comprendre les possibilités d'adaptation, donc d'adaptation de l'ego à ce processus de possession. « Il n'est pas souffrant pour l'ego de mourir. Il est souffrant pour l'ego de... ce qu'il pense. Il ne peut être ce qu'il pense. Il exprime ce qu'il pense, il croit être ce qu'il pense, mais sous toutes les formes, il n'est pas ce qu'il pense. Et tant que l'être humain, tant que l'homme, s'évertuera à exprimer le concept, s'évertuera à cheminer évolutivement vers ce concept, sur ce concept, parce qu'il a besoin, pour savoir qu'il existe, de percevoir qu'il a vécu, de percevoir qu'il vit, l'homme évoluera d'une façon extrêmement lente, pénible, douloureuse, souffrante. Et ce n'est pas le parce que vous allez intellectuellement affirmer que vous êtes prêt à mourir, que cet état d'énergie sera présent chez vous. J'en parle pour plusieurs raisons. Certains sont énergétiquement prêts à s'ajuster à ce que je dis. D'autres vont le faire plus tard. Ce n'est pas une mort spirituelle, c'est une mort psychologique. C'est-à-dire que vous ne devez pas mourir spirituellement dans votre psychologie pour que psychologiquement Dieu apparaisse chez vous. Vous êtes. Il ne peut pas apparaître chez vous. Vous allez le devenir. Et quand je dis vous allez le devenir, je ne m'adresse pas à l'ego, je m'adresse à l'homme global. L'ego, vous allez mourir. Et lorsque vous allez mourir, vous deviendrez supérieur. Et lorsque je dis c'est de vous, je ne parle pas aux deux mêmes personnes. Il y a l'homme psychologique, il y a l'homme global. Et même si l'homme psychologique s'identifie à l'homme global, il n'est pas l'homme global. Qu'est-ce qui pousse l'homme à avoir peur de la mort physique? L'homme ignore parce qu'il ne l'a pas expérimenté. Il ne peut pas l'avoir expérimenté parce qu'il ne se réincarne pas comme nous le concevons. L'homme n'a pas expérimenté la mort. Donc, l'homme ne sait pas si, après la disparition de son corps physique, si sa psychologie, si lui continuera apercevoir qu'il vit. Et si l'homme ne perçoit pas qu'il vit, il ne sait pas qu'il vit. Il est mort. Et la mort n'existe que dans cette condition. La mort n'existe pas autrement que dans la perte de la perception de la vie, dans la perte de l'identification. Il n'y a pas d'autre mortalité. Présentement, nous pouvons dire que la matière physique, non animée par une énergie vitale évoluée, qui ne vit pas, est morte. Parce qu'elle n'a pas d'identification, donc elle ignore même par le fait qu'elle existe. Donc, elle n'existe pas. Mais elle va exister si des psychologies comme celle de l'homme, comme celle des animaux, comme celle de ceux qui sont animés par une vitalité supérieure, décident, accréditent dans leur propre psychologie que ces choses existent. Donc, ces choses vont vivre. Mais c'est une illusion. Dans la réalité, elles ne vivent pas parce qu'elles ne savent même pas qu'elles existent. ce poteau ou la table ou la chaise sur laquelle vous êtes assis existe pour vous. Mais elle n'existe pas pour eux. En réalité, elle n'existe pas. Et même si l'homme s'évertue à percevoir une solidité matérielle dans la matière, cette solidité matérielle n'est qu'une conception de l'identification des forces astrales chez l'homme. Lorsque l'homme meurt, lorsque la corporalité disparaît, elle ne meurt pas. Elle s'est toujours transformée. Lorsque vous avez eu une naissance, lorsque vous êtes venu au monde, vous pesiez combien de livres? Et c'était vous. Et présentement, vous en pesez combien? Combien de livres de stock extérieur à vous avez-vous dû rajouter pour peser ce que vous pesez? Et malgré que vous avez accumulé tant de choses extérieures qui n'étaient pas vous, vous osez déclarer sérieusement que c'est vous. Mais le corps physique est mort régulièrement, parce que tout ce qui le constituait ne le constitue plus. Vous l'avez remplacé continuellement par d'autres formes matérielles. Le corps physique n'existe pas non plus. Il meurt à l'instant même où il naît, parce qu'il se transforme. Ce n'est jamais le même. Et lorsque la psychologie qui s'identifie au corps physique voit la disparition du corps physique, elle appelle cela la mort. Parce qu'elle ne peut plus s'identifier au corps physique, et surtout parce qu'elle s'imagine qu'à la mort du corps physique, il n'y a plus d'identification. Je répète que la mort n'existe que dans le fait qu'une énergie ne peut plus s'identifier. Elle ne perçoit plus le processus psychologique de la vie, donc elle est morte. Dans la réalité des choses, il y a un processus qui peut être duellement séparé entre la perception du processus et la non-perception du processus, donc entre la vie et entre la mort. Mais le processus reste intact. Que vous perceviez ou non le processus, il reste intact. Mais l'homme ne perçoit pas le processus dans sa réalité, parce que le processus ignore même son existence. L'homme perçoit le processus dans la mémoire. L'homme perçoit le passé du processus. Et il ose encore appeler cette dégradation continuelle du processus la vie. Et parce que l'homme découvre qu'il a vécu, parce que l'homme découvre qu'il y a eu un processus, il envisage une continuité temporelle du processus. Et cheminant sur la mémoire de toutes les entités qui l'ont possédé, de tout ce qui a constitué sa mémoire évolutive, l'homme entrevoit l'avenir évolutif et entrevoit un cheminement dans cet avenir évolutif. Mais l'homme ne peut pas arriver à se libérer des freins, à se libérer de l'ego, tant que c'est l'ego qui tentera de se libérer de l'ego. Donc, l'homme ne peut pas évoluer tant que l'ego voudra évoluer. Si vous auriez refusé, à l'âge de 12 ans, d'être possédé par un adolescent turbulent, vous auriez un corps d'adulte. Et vous seriez un enfant de 12 ans. Et de temps en temps, l'ego se plaît de dire que, ben, ce ne serait pas si mal d'être un enfant de 12 ans. Non, vous ne le percevriez même pas comme vous le percevez présentement. Vous le percevriez exactement comme l'enfant de 12 ans le perçoit, c'est-à-dire qu'il l'ignore complètement. Savez-vous quel genre d'énergie vous êtes? Non. Et plus l'homme vieillit, moins l'homme le sait. Parce que plus l'homme vieillit, plus l'homme est ce qu'il a été. Et moins l'homme est ce qu'il est. L'enfant est ce qu'il est, et plus il vieillit, plus il est ce qu'il a été. Et plus l'homme vieillit, plus l'homme est ce qu'il a été. Et moins l'homme est ce qu'il est. Et dans ce qu'il a été, il envisage ce qu'il sera. Alors l'homme est de plus en plus ce qu'il sera, ce qu'il a été, de moins en moins ce qu'il est. L'enfant ne sait pas qu'il vit, l'enfant ne sait pas qu'il existe, l'enfant n'a pas peur. Jusqu'au jour où il accumule suffisamment de mémoire pour s'identifier à ce passé et découvrir qu'il vit, alors il a peur. Peur de perdre quelque chose qu'il n'avait pas avant, l'identification. Et l'homme, au fur et à mesure qu'il s'identifie, au fur et à mesure qu'il accumule de l'expérience, au fur et à mesure qu'il dynamise sa mémoire, il perd le contact avec la réalité. Il perd donc le contact avec des énergies qui ne sont pas reliées à cette expérience mémorielle, en l'occurrence l'énergie supramentale. Et lorsque je dis que l'homme doit mourir, c'est que l'homme doit simplement cesser le frein inefficace qui lui donne l'illusion de l'évolution, qui lui donne l'illusion de l'amélioration, qui lui donne l'illusion de la perfection. La perfection n'existe pas parce que ce qui est imparfait doit être détruit pour que ce qui est plus parfait apparaisse. Et dans ces mots, il y a de l'imperfection orale, étant donné qu'on n'a pas de vocabulaire français très précis, pour désigner quelque chose qui est parfait sans être parfait. Alors, si vous voulez rester ce que vous êtes et vous perfectionner, vous devrez changer. Changer tout en continuant à conserver l'illusion que vous changez. Que vous changez. Et non pas qu'il y a changement. Et tant que vous changez, vous refusez le changement. Vous acceptez le changement imposé par le temps, mais vous refusez le changement parce que vous ne voulez pas mourir pour laisser une énergie différente prendre possession de ce qui sera abandonné. L'homme évolue parce qu'il tient à la vie. Et même si spirituellement, on a interprété le processus de la possession, disant, celui qui ne meurt point ne pourra renaître, nous ne parlons pas de mort spirituelle, je parle de mort psychologique. Et cela, vous devez faire la différence. Parce que la majorité des personnes qui daignent mourir spirituellement pour s'abandonner à une autre entité spirituelle de l'ordre de l'astral ne suivent pas le processus de l'évolution, étant donné de la transformation, disons, possessive. Ils suivent, par contre, le processus de l'évolution humaine normale, étant donné qu'ils ne perdent pas l'identification de leur existence. Ma vie est vouée à Dieu. Je ne suis pas. Mon temps, je le donne à telle énergie. Je me voue à. La personne ne perd pas l'identification qu'elle a d'elle-même et du processus illusoire de la vie. Donc, elle est dans un abandon à des formes psychologiques qui sont un abandon à des énergies qui vont amener l'homme à évoluer. Lorsque vous devenez, lorsque vous êtes, et lorsque vous vous vouez à, lorsque vous êtes entre les mains de, lorsque vous êtes au service de, vous êtes, votre ego qui exprime le concept de ce qu'il est. Mais vous préférez être au service, être en contact qu'être. C'est normal parce que si vous êtes, vous n'êtes plus. C'est-à-dire que si vous êtes, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes. Parce qu'il n'y a plus d'identification. l'homme qui se conscientise, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la conscientisation? Nous essayons de désigner par le terme conscientisation l'état d'instauration d'une conscience. La conscience est un être-té immédiat qui est partout. Et la conscientisation est le grossissement, l'ouverture de cet être-té, l'agrandissement de cette étendue d'être-té vers l'infini. Lorsqu'une personne a une conscience totale, elle n'a plus rien à apprendre sur aucun plan. Et lorsque l'être se conscientise, ce n'est pas qu'il intellectualise, ce n'est pas qu'il mentalise, il devra mentaliser pour se conscientiser, mais la conscientisation n'est pas la mentalisation. L'être qui se conscientise plus souvent qu'autrement évolue. Et l'évolution est une illusion. Relié à l'illusion de la vie, relié à l'identification illusoire. L'être qui s'identifie à l'instantanéité est instantané. Il ne peut donc pas s'identifier parce qu'il ne peut pas savoir qu'il a vécu vu qu'il est instantané. Et à l'instant où il attache de l'importance à ce qu'il a fait, il n'est plus instantané. Il est ce que l'homme est. Est-ce que je dis autant? Lorsque l'être se conscientise, il évolue plus souvent qu'autrement. On ne doit pas évidemment se culpabiliser de l'évolution. On doit comprendre les mécanismes de l'aberration de l'évolution, les mécanismes illusoires de l'évolution. Et on doit percevoir la transformation qui ne peut pas être échelonnée dans le temps. Et si vous appelez l'évolution la transformation fragmentaire échelonnée dans le temps, c'est que vous continuez à percevoir que vous vous améliorez au lieu de percevoir que vous mourrez pour renaître. Et dans la réalité des faits, on a enseigné mourir pour renaître parce qu'on s'adressait à des égos. Parce que dans la réalité, vous mourrez et vous ne renaissez pas. Depuis que vous habitez ce corps physique, depuis que vous vous êtes assujetti aux mémoires enregistrées par l'expérience de ce corps physique, depuis que vous êtes vivant, vous avez l'impression de ne jamais être mort, alors qu'à chaque millième de seconde, vous mourrez et vous ne renaissez pas. Mais celui qui naît entretient les mémoires de ceux qui sont passés, parce qu'il a besoin, lui aussi, étant donné son schéma vibratoire, de percevoir qu'il vit, de percevoir qu'il est. Et de ce fait, il croit avoir été. Alors qu'en réalité, il ne perçoit que l'être-té des personnes qui sont disparues chez lui. Vous avez subi le processus de la possession depuis que vous êtes possédable, depuis que vous avez un corps qui doit être possédé. Alors ce n'est pas plus épeurant d'entrevoir la réalité comme elle est que d'entrevoir l'illusion. Mais il est beaucoup plus utile de voir la réalité que de s'adonner à nourrir l'illusion. L'homme n'évolue pas, l'homme est. Et selon le degré d'expression, selon le degré, disons, d'être-té dans une sphère particulière de vibration, l'homme apparaît aux autres comme étant différent. Vous êtes, mais vous vous bornez à avoir été. Vous êtes, mais vous vous bornez à devoir être. C'est sérieusement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous le croyez. Mais vous vous imaginez être puissant, et à travers ce concept de puissance, mélangé à l'expérience de ceux qui vous ont possédé avant, ce que vous croyez avoir été, vous allez atténuer la puissance du concept de puissance par l'impuissance que vous percevez, et vous allez exprimer ce concept diminué par votre expérience. Mais si vous n'avez pas été, si vous oubliez tout ce que vous croyez avoir été, si vous laissez immédiatement pas de passé, pas de mémoire, et que vous voulez exprimer la puissance, vous allez être apte à exprimer le concept de puissance ou la puissance, mais d'une façon puissante. Et non pas d'une façon ternie par votre expérience. Chaque fois que j'ai essayé, j'ai manqué mon coup. C'est pas vous qui l'avez essayé. C'est l'être qui possédait le corps à l'époque où lui l'a essayé. Ce n'est pas vous. J'ai déjà eu des expériences où on a ri de moi. Vous n'avez jamais eu ces expériences. Vous croyez les avoir eues parce qu'ils sont reliés à ce carcan psychologique dans lequel vous vous identifiez. Mais vous pouvez aussi bien dire, « Ah, nous avons déjà eu, on a déjà eu l'expérience. Qui est-il ce « on » ?» Lorsqu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale, qui est-il ce « on » ? Une extension extracorporelle de votre identification. Mais vous n'avez jamais vécu ce qui est enregistré dans vos mémoires. Vous vous identifiez à ce vécu. Vous pouvez vous identifier au vécu de la collectivité, au vécu de la société, au vécu d'une nation, au vécu d'un événement historique. Mais vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais expérimenté ce genre de choses. Vous n'avez pas besoin de l'expérimenter, d'autres l'ont expérimenté pour vous. Et vous croyez que vous l'avez expérimenté. Ce qui fait que même si vous avez le concept de la puissance, vous ne pouvez l'exprimer puissamment parce qu'il est dilué par votre expérience illusoire. Alors donc, vous allez exprimer dans ce concept d'évolution parce que vous avez un concept de supériorité. Vous croyez à l'amélioration. Vous avez donc un objectif. Et entre vous et l'objectif, il y a ce que vous appelez l'évolution, l'amélioration. Vous avez donc un concept de puissance, d'amélioration, de supériorité. Et si je vous demande présentement d'être au moins ce concept, vous ne pouvez pas. Parce que ce concept est terni, coloré par l'expérience, par le concept de ce que vous avez été. Donc, dans votre psychologie évolutive, le concept de ce que vous devriez être s'exprime en même temps que le concept de ce que vous avez été. Ce qui donne une expression extrêmement ternie de ce que vous êtes. Et parce que vous avez expérience de cette expression ternie, rampante de ce que vous êtes, vous finissez par croire que vous êtes cet être-té rampant. Il n'est pas question de ramper, il n'est pas question de croire, il n'est question que d'être. L'être humain vit sur un fil inexistant qui s'appelle le présent. Et pour percevoir ce fil imperceptible, il perçoit le passé. Ce qui, selon lui, est la preuve qu'il a, qu'il est, et parce qu'il a été. Mourir pour naître, laisser la place à un autre. Les personnes âgées doivent laisser la place aux jeunes. Et de même que les vagues se succèdent l'une à l'autre sur une plage, les entités possessives se succèdent chez vous. Et la mer croit qu'elle est la mer. Et la plage croit que c'est toujours la même eau, la même onde, la même vague. Cela est plaisant. On peut s'identifier à une sécurité vivante. Mais en réalité, chaque vague est différente. Chaque vague est une entité différente qui suit l'autre et qui devra être suivie. Et chez vous, le processus est le même, continuel, imperceptible, imperçu. Et ce n'est pas épeurant. Vous avez été des enfants et vous ne l'êtes plus. Vous avez été des adolescents et vous n'en êtes plus. Tout ce que vous avez été, vous l'avez détruit. Et c'est normal et c'est parfait. Et tout ce que vous êtes en train de le détruire. Et c'est parfait. Ce n'est pas parfait dans notre conception morale. C'est parfait dans la réalité des faits. Vous vous transformez, vous détruisez et quelque chose de mieux apparaît. Mais tant que vous vous assujettissez à croire que c'est cela, c'est vous, vous vous assujettissez à dire « je suis » tous les êtres qui sont passés en moi. Et je serai tous les êtres qui vont passer en moi. Et de ce fait, vous retardez énormément le processus de la transformation pour vous assujettir au processus de l'évolution. Vous ne pouvez pas vous améliorer. Vous pouvez laisser place à quelque chose de supérieur, disons de mieux. Et vous croyez être amélioré. Vous êtes mieux, vous êtes mieux, vous êtes pire. Mais ce n'est pas vous qui vous transformez d'une façon d'amélioration ou de perdition. Vous êtes ce que vous êtes. Et chaque fois que vous vous transformez, vous êtes autre chose. Plus vibratoire, moins vibratoire. Alors, lorsque l'homme se culpabilise, il se culpabilise parce qu'une autre entité qui l'a possédé a fait quelque chose à sa place et lui, s'identifiant à tout cet état de choses, croit que c'est lui qui l'a fait. Et lorsque l'homme s'améliore, lorsque l'homme fait quelque chose de bien, il est content parce qu'il croit que l'entité qui a fait cette chose, c'est lui. Ce n'est jamais lui. L'homme ne fait rien. Alors, nous prenons une pause.